jeudi 1er novembre, ce souvenir des pauvres. Le partage de ces ressources était souvent une expression tangible d'unité dans l'Église primitive. La générosité décrite dans les premiers chapitres du livre des Actes se poursuit plus tard, quand Paul invite les églises qu'il a établies en Macédoine et en Achaïe à aider les pauvres de Jérusalem. Cette offrande devient une expression concrète du fait que les églises constituées principalement de croyants non-juifs aimaient leurs frères et sœurs d'héritage juif à Jérusalem et se souciaient d'eux. Malgré les différences culturelles et ethniques, ils ne formaient qu'un seul camp en Christ et chérissaient ensemble le même évangile. Ce partage avec les nécessiteux révélait non seulement l'unité qui existait déjà dans l'Église, mais renforçait également cette unité. Lisez 2 Corinthiens 9, les versets 8 à 15. Selon Paul, quelles seront les conséquences de la générosité révélée par l'Église de Corinthe? L'expérience d'unité de l'Église primitive nous montre ce qui peut encore être fait aujourd'hui. Mais l'unité ne s'est pas réalisée sans un engagement intentionnel de tous les croyants. Les dirigeants de la communauté primitive virent cela comme leur ministère de cultiver l'unité en Christ. L'amour entre mari, femme et enfant est un engagement qui doit être cultivé intentionnellement chaque jour, et c'est la même chose pour l'unité parmi les croyants. L'unité que nous avons en Christ est à la fois encouragée et rendue visible d'un certain nombre de manières. Les éléments évidents qui cultivaient cette unité dans l'Église primitive étaient la prière, l'adoration, la communion fraternelle, une vision commune et l'étude de la parole de Dieu. Les premiers chrétiens comprenaient non seulement leur mission de prêcher l'Évangile à toutes les nations, mais ils avaient également conscience de leur responsabilité de s'aimer et de reprendre soin les uns des autres. Leur unité se manifestait dans leur générosité et leur soutien mutuel au sein de leur communion locale et plus largement entre les communautés d'Église, même si de longues distances les séparaient. Leur générosité prouvait qu'ils n'avaient pas reçu la grâce de Dieu en vain. Quelle pourrait être la cause d'une telle générosité, sinon la sanctification de l'esprit? Pour les croyants et les non-croyants, cette générosité apparaissait comme un miracle de la grâce. De quelle manière, vous et votre Église, avez-vous expérimenté les bienfaits de la générosité envers autrui? C'est-à-dire, quelles bénédictions reçoivent ceux qui donnent aux autres?